www.dash.dash.dash.com. He's back with his brand new triple CD box set singing ghetto classics for the aging B-boy, such as Grandmaster Flash and Melly Mel's The Message. It's like a jungle. Sometimes it makes me wonder how I keep on going under. And N.W.A. Straight Outta Compton. Straight Outta Compton. A crazy motherfucker named Ice Cube from a gang called Niggas. Also featuring Outkast, Sorry Miss Jackson. Sorry Miss Jackson, nah. Never meant to make your daughter cry. I apologize the same time, yeah. Sorry Miss Jackson, nah. Never meant to make your daughter Almighty cry. Almighty Jay-Z's Girls, Girls, Girls. Girls, girls, girls, girls. It's girls I do adore. You put your name on this paper because I would love to date you. Holler at you when I come up tall. To purchase your copy of Ricky V. Valentine's Ghetto Classics box set for only $29.95. Yes, $29.95. Phone now. 2-555-00-2214. Or for those who are online, www.rickyvvalentine.com. Bonjour, c'est la deuxième heure de La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Nous sommes en direct le jeudi 7 février ou on rappelle le mardi 12. Bienvenue à votre émission qui parle des choses qui vous intéressent, des choses qui vous importent le plus, l'émission la plus rapide au monde. Dans quelques minutes, ça va être le fil informatique, mais avant, on continue notre très, très, très, très bonne série. Je l'adore, cette série-là. Elle s'appelle Final Fantasy VII Voices of the Life Stream. Et à l'instant même, voici la partie 11 de cette série. Sixto Sounds et Zircon avec Lunatic Moon Red 13 Theme Cosmo Canyon. Oui, c'est une longue pièce. On va écouter tout de suite les deux dernières pièces du premier CD. Il y en a quatre. J'en reparle tantôt. C'est la collection. C'est le genre comme ça veut dire.